père me dit un dieu pour tous les hommes. Un jour mon père me dit sauvera ta pomme. Et pour moi la question fait tourner en rond. Y a-t-il un dieu pour tous les cons? Cette putain de question. Un jour mon père me dit Dieu aussi est un con. On échappe à la règle. Dieu aussi est un faible. Alors pourquoi tant de misère sur terre?